ça complique les cages. Mon pied sont trop long pour faire un demi. Passez jamais sur nos sièges. C'était ni mon ami ni mon ennemi. Je les cueille, je les tâche. Tu manques de vie, j'ai pris mon âme. Dans tes yeux, j'ai vu la flamme. Je fais un disque et je l'éteins. Elle s'est confinée dans le sang. Je lui fais des bisous pour la rassurer. La rue, j'ai une vie d'ensemble. Elle sait qu'on y a tous un intérêt. Tu peux diger dans le jean. Les clients du soir à la matinée. On prend, on voit, on s'enlise. Un gars qu'on fait pas des sports combinés. Je vois plus chanter si je ferme les robinets. Je crois que c'est le moment de vendre au demain. 44 dans mon régulier. On mange à la carte, je l'ai aussi au dîner. T'as fait chez nous, elle sait tout ce que j'ai mis. J'ai lancé les rats, éteigné le light. Je veux les voir et je vis, je rêve. On a pris des loges, on est parti à rien. Hey, mon caisson trop long pour faire un demi. Un renseignement, j'allume un cierge. Ma crise de la faim, on est remédé. Je les ken et je les tège. Tu manques quelle bouteille a pris mon âme. J'ai vu la vie dans un BM. Je vais tourner les bouffes éteintes. Le but c'est rester longtemps. Je crois qu'on a des métaux pour s'en assurer. Je suis pas 100, mais j'ai toujours un seul pied sur ton terrain. Un regard on dit sans dire. Un mot entre deux spits tout peut basculer. Un toast à ta santé. Une cave et tu sais qu'à quatre mois. On va fermer la pharmacie, on sort. Je mets qu'en bas le fond. Et puis les pieds pleuvent. Après le bruit des armes, t'es solo. Un mauvais endroit, au mauvais moment. Amis, bon temps, fais pas, ok, low. On fait des frais, no love. On va fermer la pharmacie, on sort. Les pieds en danger, c'est normal. Mon caisson trop long pour faire un demi. Tu pars avec une chantal au pinel. Je te jure, tu vas aimer la sodomie. Coffre fort rempli de fraîche. Dommage collatéraux pour les compromis. Tu peux prendre au bifton à chaque âge. Au pied d'un ascenseur qui sent le vomi. J'ai écrit depuis petit. Les voyous dont tu parles, ils ont perdu noir. Le rap, c'est un jeu d'échec. Et les fous sont toujours au plus près du roi. Le même à chaque saison. Rire en vélo ou pleurer dans une Enzo. Ma raison a ses raisons. Qui veut fumer la ville aux 300 réseaux. En premier, ils ont vu la lumière. En dernier, ils verront un rail. Personne sait ce qu'il y a dans ces garages. Car en Alaska, il au Sahara. Un flash et un bon rien à terre. Municipaux pour les fédéraux. Petite salope pour les grands messieurs. Politiciens pour les vrais héros. Ouais, la gifle est trop loin pour faire un demi. Un terrain, la frappe aussi le semi. Je tombe le bavé, c'est un tatami. Micro MMS et je la fais attendre. J'ai confiance, mais je vais re-compter. Les mots valent mieux qu'un bordel sur la tempe. Et je vais pas m'en persuader. T'es beaucoup trop bon pour être un ami. Beaucoup trop con pour pouvoir me faire. Mon caisson 8 mètres de long 19. Une cave et tu sais qu'à pire que mourir. Passez jamais sur mon siège. C'était ni mon ami ni mon ennemi. On va fermer la pharmacie, on sort. Je mets qu'en bas le fond. Et puis les pieds pleuvent. Après le bruit des armes, t'es solo.